Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin Masculin Division 2, Louis-Saint-Laurent reçoit les cas du Triolet le 2 avril à 18h15. L'équipe affronte le séminaire de Sherbrooke 1 le 4 avril à midi au séminaire de Sherbrooke.